Appelle-moi pour me dire n'importe quoi. Appelle-moi que je ne réponde pas. Ma tristesse ne regarde que moi, mais je veux que tu la vois. Quand viennent mes pleurs, sois là. Garde-moi auprès de tes bras. Laisse-moi pleurer, mon ange. Laisse-moi pleurer dans tes bras. Et toi tu dis, je veux que tu sois fort, mon amour. Et moi je réponds, je veux que tu sois là pour toujours. Je ne sais même pas la question, mais la réponse est non. Les hommes me font toujours aussi peur. Je ne sais même pas qui ils sont. Et ce n'est pas mes sanglots qui les changeront, qui les empêcheront de m'arracher le cœur. Et moi je t'aime toujours, et moi je t'aime encore. Ce sont tes bruits et tes larmes qui me consolent. Ma tristesse abonde un peu plus fort. Il y a ton corps et ton cœur et ton amour qui s'envolent. Je souffre pour être, je meurs pour rien. Je vis pour toi et je dessine encore tes petites mains. Tandis que le ciel me rappelle qu'il est dangereux de rester en dessous d'un nuage trop vieux. Il y avait un couple d'amoureux. Souviens-toi, c'était toi, c'était nous. Ils étaient assis là, tous les deux. Souviens-toi d'eux, c'était nous. Les hommes me font toujours aussi peur. Je ne sais même plus qui ils sont. Ce n'est pas mes sanglots qui les changeront, qui les empêcheront de m'arracher le cœur. Les années me frappent à coups de marteau. Il n'y a plus que les psaumes et le ciel pour pleurer. Ah, on ne fait pas d'amener l'ange le plus beau. Il n'y a plus que les psaumes et le ciel pour espérer. Et je vois des ombres qui coulent sur les murs. Les hommes d'autrefois sont-ils vraiment froids? Il y a des ombres qui coulent et me murmurent. Où sont-ils? Où sont-ils les hommes d'autrefois? La tristesse me noie, tandis que la brume me tue. Je souffre pour vivre et je pleure pour eux. Daniel me dit, mets ton cœur à nu. Mais les hommes sont affreux. Les hommes me font toujours aussi peur. Je ne sais même pas qui ils sont. Et ce n'est pas mes sanglots qui les changeront, qui les empêcheront de m'arracher le cœur.